France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Berlin, c'est avant tout une ville qui ne ressemble à aucune autre. Berlin, après 1945, une île allemande. Nous pensons que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ne doivent pas accepter que qui que ce soit barre le passage à leurs troupes de Berlin. Et quant au sort de la ville elle-même, nous constatons que ceux de ses habitants qui ont la possibilité de s'exprimer librement sont unanimes à vouloir qu'elle reste occidentale. Pour cette raison, et aussi pour d'autres, nous n'admettrions pas que Berlin fût livré au système de Pankow. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le général de Gaulle, en 1959, après l'ultimatum soviétique qui réclamait le départ des troupes occidentales, dénonçait le système de Pankow. On expliquera dans un instant. En compagnie de Cyril Buffet, bonjour. Bonjour. Cyril Buffet qui partage sa vie entre plusieurs capitales de l'Europe et qui vit depuis longtemps à Berlin. Son histoire de Berlin chez Fayard est un classique. Et puis vous avez publié il y a peu chez Larousse Le jour où le mur est tombé. Mais notre émission s'arrêtera en 1961, le jour où le mur commence à être construit, si vous le voulez bien. Alors, il y a quatre secteurs d'occupation après mai 1945. Pankow appartient au secteur soviétique. Expliquez quand même ce mot de Pankow. Oui, c'est le général de Gaulle qui l'utilisait. C'est un arrondissement de Berlin, Pankow. Pankow, et normalement en allemand on prononce Pankow et pas Pankow, mais lui il insistait, alors qu'il connaît bien l'allemand, hein, il n'a pas de problème avec ça, mais il insistait justement pour montrer que Pankow était quasiment entre les mains soviétiques. Mais en mai 1945, au moment de la défaite allemande, les soviétiques sont seuls, ils vont rester longtemps seuls à Berlin. Absolument, ce sont les soviétiques qui capturent la ville de Berlin, avec de lourdes pertes de leur côté, et pendant deux mois, ils vont être les seuls à occuper la ville de Berlin. Alors, ils vont en profiter de différentes manières. D'abord, ils vont faire des démontages massifs. Ils vont transférer de nombreuses usines en URSS. Ils vont aussi, malheureusement, pratiquer des viols massifs, hein, qui vont avoir un impact déterminant sur la mentalité allemande. Et ils vont aussi avoir une œuvre de remise en marche de la ville très rapidement. Ils vont relancer les activités culturelles, ils vont déblayer les ruines avec l'aide de la population berlinoise, ça va sans dire. Ils vont aussi commencer à reconstruire, et notamment le système de transport, pour qu'on puisse se déplacer dans la ville. Fin mai 1945, le premier concert du Philharmonique avec Célibi Dacz à sa tête. Absolument. C'est assez étonnant. Très, très, très peu de temps après la capitulation de la ville, les Soviétiques organisent un concert du principal orchestre berlinois et allemand, avec donc cette chef d'orchestre tout jeune à l'époque, d'origine roumaine. Il y a ça, il y a aussi des théâtres qui vont rouvrir, des salles de cinéma et notamment des cabarets. Alors ça va relier avec la période des années 20 dans des salles plus ou moins intactes. Alors les autres alliés arrivent l'été 1945, une zone américaine, une zone britannique, une zone française qui n'était pas la moins favorisée parce qu'elle disposait de quelques exploitations agricoles, ce qui était utile. En fait, les Français ont été très chanceux parce que, initialement, il n'y avait pas de secteur qui était dévolu aux Français. Les Américains ont refusé de céder un bout. Ce sont les Britanniques qui ont cédé aux Français deux arrondissements de leur secteur et un secteur qui était mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était industrielle, est assez détruite, hein, Wedding est populaire, et une autre partie, Reinickendorf, où vous aviez des grands espaces avec de très belles villas que les Français se sont dépêchés de réquisitionner. Une vie politique recommence avec l'émergence de partis, et puis évidemment des comportements différents selon qu'on était en zone soviétique ou dans les autres secteurs alliés. On va faire simple et arriver directement en octobre 1946, où il y a une première élection municipale avec une très forte participation des Berlinois et qui donne un cliché des rapports de force politique du moment. Absolument, oui. Il faut savoir que les élections de 1946, ce sont les premières depuis 1932, les premières démocratiques, où il y a vraiment un choix pluraliste. Les communistes étaient arrivés dans les fourgons avec les chars soviétiques, avaient pénétré en Allemagne, avaient reconstitué le Parti communiste, et ensuite ils ont autorisé d'autres partis politiques, le Parti social-démocrate, le Parti chrétien-démocrate, un parti libéral aussi. Et les communistes, évidemment, pensaient que, en raison de leur engagement contre Hitler, ils remporteraient ces élections. Or, ils ont été particulièrement déçus parce que c'est les sociaux-démocrates qui ont été en tête. Alors, avant, ils avaient tenté d'éviter cette situation en forçant le Parti social-démocrate à l'Est a fusionné avec les communistes. Mais ils vont avoir une très grosse déconvenue, puisque ce sont les sociaux-démocrates qui arrivent en tête, et d'ailleurs, même les communistes font un score relativement décevant pour eux. À peine 20%. Voilà, c'est très très modeste. Et la municipalité de Berlin, qui est encore unie à ce moment-là, désigne donc des maires sociaux-démocrates. La désunion de la ville va se faire peu à peu en 1947, c'est un vrai sismographe de la lutte d'influence entre l'Est et l'Ouest cette année-là, Berlin, et puis printemps-été 1948, les soviétiques se retirent du Conseil de contrôle interallié et une réforme monétaire va être menée différemment d'un côté et de l'autre. Du côté de l'Ouest, commençons à parler ainsi, le mark lourd arrive. Oui. Un mark lourd qui permet de faire surgir les produits qu'on peut échanger. Absolument, puisque avant, on vivait dans une société de marché noir, une économie de marché noir, de troc, et la seule monnaie qui existait, c'était quasiment la cigarette américaine. Donc il fallait remettre l'économie sur de solides bases. Ce sont à l'initiative des Américains qui avaient eux-mêmes imprimé les nouveaux billets. Et d'abord, ils n'ont fait la réforme monétaire que dans les zones occidentales, pas à Berlin. Ils ont vu que, évidemment, parce que Berlin, il faut le rappeler, se trouve en plein cœur de la zone soviétique. Donc c'est Paris. Ils se doutaient bien que ça poserait un problème pratique. Or, cette réforme monétaire, c'est la première étape vers la création d'un État ouest-allemand qui était l'objectif des Occidentaux à ce moment-là. Les soviétiques n'avaient qu'une seule possibilité de riposte à ce moment-là, c'était d'introduire leur propre réforme monétaire, qu'ils ont fait d'une manière très improvisée. Et évidemment, la puissance économique étant très différente, la monnaie de l'Est était dévalorisée par rapport à celle de l'Ouest. Alors nous voilà mi-1948, vous avez raison d'insister sur le fait que Berlin est enclavé, on y accède par une autoroute, Il y avait trois autoroutes. On peut y accéder par l'eau aussi. Oui, il y a des canaux. On peut y accéder en train et puis en avion. Alors, nous sommes ici en direction de Tempelhof. Oui. Comme Pankow. Oui, mais là, il y a un F à la fin. Et c'est Michel Droit qui est dans l'avion. C'est-à-dire que nous avons un peu franchi le rideau de fer, représenté plutôt ici par un rideau de nuages et de brume. Et nous volons actuellement dans le couloir aérien réservé aux alliés occidentaux au-dessus de la zone soviétique. Nous approchons maintenant de Berlin. Et en perdant de l'altitude, nous apercevons déjà la silhouette écrasée de la ville en ruine. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allions nous poser sur l'aérodrome de Tempelhof, qui est situé en plein milieu de la ville. Nous allons y atterrir dans quelques instants. Ici, l'avion d'Air France, FBATX. Tempelhof est tout à fait indicatif, puisque, peut-être ne savez-vous pas, mais cet aérodrome construit par Göring se trouve à l'extrémité d'une grande avenue, une sorte de Champs-Élysées. C'est bien que pendant l'approche, on descendait dans cette avenue en voyant les maisons éclairées de part et d'autre. On voyait les gens dans leurs chambres, si je puis dire, et on aboutissait sur la Drôme. Le général Gallois qui va être un pilote pendant le blocus qui va donc commencer au milieu de l'année 1948. Les soviétiques bloquent l'accès des autoroutes, bloquent l'accès par l'Acheprey, bloquent l'accès par les trains et bloquent l'accès par les avions. D'où l'idée d'un général américain, le général Clay, qui l'a fait partager au président américain, c'est Truman à l'époque, d'un pont aérien. C'est une opération tout à fait exceptionnelle. Alors, les Américains déjà avaient l'expérience pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient organisé un pont au-dessus de l'Himalaya, un pont aérien, mais là, évidemment, ça nécessite de transporter des marchandises, de la nourriture, du charbon. Du charbon par les airs. Voilà, pour une c'est population quand même assez de 2 millions d'habitants quand même. Alors ils ont trouvé des solutions, par exemple, ils transportaient beaucoup de produits alimentaires déshydratés, parce que ça prend moins de place. Donc ils ont développé des tas d'innovations durant ce moment-là. Mais c'est une entreprise qui est colossale. Alors ils ont fait venir des pilotes et des machines du monde entier. De Nouvelle-Zélande, d'Australie, etc. On va entendre dans un instant le général Gallois. Alors lui, il pilote du côté britannique parce que les avions français n'ont pas le rythme suffisant tenir le coup. Les avions français étaient en fait des Junkers, donc réquisitionnés par la France. Hein, elle avait quasiment plus d'aviation, la France, à ce moment-là. Et donc, au début, les avions français volaient, mais ils volaient pas assez vite par rapport aux autres. Et donc, ils gênaient le trafic, plutôt. Et donc, les Américains et les Britanniques ont pris pour eux le transport en acceptant certains pilotes français. Avant le général Gallois, Katharina von Bülow, qui avait connu les bombardements des Alliés sur l'Allemagne. Pour une fois, ce sont des avions amis, dit-elle. C'était pour la première fois depuis la fin de la guerre des avions, je dirais, amicaux. On savait que c'était pour nous aider et non pas pour nous bombarder. On savait que c'était des avions américains, des avions militaires, que c'était pour nous aider, qu'ils allaient et venaient en permanence. Il y avait une espèce de balai d'avions permanents. Il fallait que les avions par beau temps se succèdent à la cadence de 90 secondes, 2 minutes. Et atterrissent toutes les deux minutes sur les aérodromes de Berlin. Chargent et repartent et reviennent. La noria se continue jour et nuit sans arrêt, 24 heures sur 24. Lorsque le temps était un peu mauvais, la cadence descendait à 3 ou 4 minutes. Lorsqu'il était très très mauvais, elle descendait à 5-6 minutes entre les départs. Et lorsque vraiment le brouillard régnait partout et qu'il y avait tempête qui pouvait passer, alors les avions étaient au sol et c'était le silence. Et le silence était pour les Berlinois un signe de panique. Soudain, par les fenêtres et par les toits, plane un silence paralysant. Il rôde comme un mystérieux animal noir, que l'on sent, mais que l'on ne peut pas voir. C'est un silence sinistre et menaçant. Il pèse sur vous comme le silence d'un cadavre. Subitement, une ville tout entière écoute ce calme, et dans des centaines de milliers de cœurs, une terrible incertitude commence à poindre. Le pont aérien s'est interrompu. Que s'est-il passé? Vont-ils nous abandonner? Allons-nous devoir nous soumettre? On dirait que toute vie est suspendue pendant plusieurs minutes. Puis, après une éternité, le grondement reprend et un soupir de soulagement s'échappe de 100 000 poitrines. Phillips Davison, Berlin Blockade. C'est l'extrait d'une émission sur France Culture de Patrice Gélinet. Berlin devient le symbole de l'Ouest. Absolument. Le bourgmestre socialiste, Reuter, dont vous parliez des circonstances de l'élection, dit à l'Ouest, vous n'allez pas nous abandonner. Et l'Ouest, cette fois-ci, ne les abandonne pas. Notamment, c'est fondamental, le blocus et le pont aérien, pour comprendre que désormais, les puissance occidentale, et en particulier les États-Unis, deviennent plus qu'un allié de l'Allemagne occidentale. Réellement, une amitié se noue à ce moment-là entre les États-Unis et les Allemands de l'Ouest. Il faut quand même réaliser que dans la ville, les échanges continuent pendant le blocus. Oui. C'est une période, en fait, très insolite. Parce que vous n'avez pas une coupure franche. On pouvait continuer à se déplacer, les transports étaient maintenus, on pouvait facilement franchir les limites de secteur à cette époque-là. Même si on avait tracé sur le sol des lignes blanches pour les marquer, en fait, il n'y avait pas d'obstacle. Comme à partir de 61 avec le mur. Pendant les années qui suivent le blocus, eh bien, la solution des deux États commence à se dessiner. La RDA devient la RDA. Pankow, c'est pas la capitale de la RDA, contrairement à ce que dit le général de Gaulle dans ses... Est-ce que laisse entendre le général de Gaulle? C'est Berlin-Est dans son ensemble qui est la capitale de la RDA. C'est pas Pankow, c'est simplement un quartier où résidaient les dirigeants et pas où il y avait pas les institutions gouvernementales. Et le siège du gouvernement de la République fédérale allemande n'est pas à Berlin. Non, c'était à Bonn. Ça, c'est les Occidentaux qui ont insisté pour que Berlin-Ouest ne soit pas reconnu comme capitale officielle de la République fédérale. Alors, qui dit État dit hymne national. Voici celui de la RDA, texte de Becker, mélodie de Eisler, 1949. Il y est question de la résurrection des ruines d'une Allemagne qui serait une patrie unie. De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Cyril Buffet, auteur notamment chez Fayard d'un grand classique sur l'histoire de Berlin. 1953, moment important. Alors l'hymne disait « La misère, nous la vaincrons réunie, il nous faut y arriver, qu'un soleil beau comme jamais brille sur l'Allemagne ». Puis il y a aussi ceci qui rime assez bien, Cyril Buffet. Il nous a tout donné, le soleil et le vent. Ce que nous le sommes grâce à lui. Né de l'esprit de Lénine, consolidé par Staline, il poursuit son ascension. Le parti, le parti, le parti. Le parti va être en difficulté en 1953. Mais qui règne à Berlin-Est? C'est les dirigeants du Parti communiste. Qui sont? À l'époque, c'est principalement Ulbricht, qui est le chef du parti, même si vous avez aussi Wilhelm Pieck, qui est le premier et d'ailleurs le seul président de la RDA. Après, ça sera une présidence collégiale, le titre sera aboli. Et vous avez aussi Grotewohl, qui lui est un ancien social-démocrate converti au communisme. Donc les communistes sont la force dirigeante à Berlin-Est, avec l'appui évidemment des soviétiques. Mais l'URSS siphonne les ressources de la RDA? Absolument. Ils vont, au cours des années 50, ils vont se rendre compte que ce n'est plus possible. Parce que la RDA est dans une situation économique particulièrement délicate. Donc ils vont cesser les démontages. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de normes qui est mise en avant en juin 1953? 70 maçons défilent Alexanderplatz. Halte aux normes. Et il va y avoir, en l'espace de 2-3 jours, 400 000 grévistes. Absolument. Halte aux normes. Ouais. Halte aux normes. En fait, c'est une grave erreur du gouvernement, c'est-à-dire aussi du parti. Il y a un mélange évidemment complet dans les États communistes. De vouloir, parce qu'on se rendait compte que la production n'était pas suffisante, il fallait relever la productivité. Donc, les normes de travail avaient été augmentées. Et déjà, les cadences de travail avaient été augmentées. Or, c'était déjà très, très élevé. Et en plus, l'approvisionnement était de mauvaise qualité, insuffisant. Les travailleurs en ont eu assez. Notamment, le plus symbolique, c'est que ce sont les ouvriers, les maçons de la Stalinallee, qui était l'avenue de prestige qui était en cours de construction à Berlin-Est, et qui ont spontanément cessé le travail. Et d'autres se sont joints à eux. à tel point que ça a mis en danger le gouvernement est-allemand. Témoignage d'Allemands de l'Est. Le 17 juin 1953, quand il y a eu les grandes manifestations... Vincent Van Roblewski. Je l'ai vécu, évidemment, dans mon petit monde à moi, mais qui en même temps reflétait très bien le grand monde. Nous habitions à l'époque dans le quartier de Karlshorst. Et ce Karlshorst joue un rôle dans l'histoire d'après-guerre parce que dans ce quartier s'est établi le quartier général des troupes soviétiques en Allemagne. Donc vous imaginez que le 17 juin 1953, c'était un point chaud des événements. Et pas loin de l'endroit où j'habitais, il y avait des bois derrière, parce que c'est déjà un peu la banlieue. Et déjà dans la nuit du 16 au 17, j'ai entendu toute la nuit des tanks rouler. Et le lendemain matin, en sortant, en allant à l'école, j'ai vu que ces bois étaient entièrement occupés, qu'il y avait des tanks, des toutes sortes de machines militaires, des DCA, que sais-je, des soldats en uniforme qui avaient établi leurs tanks, tout, c'était un grand campement militaire de Russes. Il y avait l'état de siège déclaré. L'état de siège a été déclaré dans le secteur soviétique de Berlin le 17 juin 1953 à partir de 13 heures. Deuxièmement, tout rassemblement, démonstration, manifestation et autres groupements de plus de 3 personnes sont interdits dans les rues et sur les places, ainsi que dans les bâtiments publics. Troisièmement, défense aux piétons et aux automobilistes de circuler dans les rues entre 21h et 5h. Quatrièmement, toute contravention à cette ordonnance sera punie selon la loi martiale. Le commandant militaire du secteur soviétique de Berlin, Dibrova, général de brigade. L'émission de Patrice Gélinet sur France Culture de Rochef. Répression par les chars soviétiques. On ignore le nombre de morts. On sait qu'il y a eu pas mal d'exécutions. Après, et du côté de l'Ouest, alors, dans la population, un sentiment de supériorité, enfin, nous sommes quand même les plus favorisés, mais un sentiment de découragement aussi, on ne les a pas aidés. Certaines, ben oui, malheureusement. Mais d'un autre côté, c'est quand même la surprise qui domine. Partout d'ailleurs, à l'Est comme à l'Ouest. Tout le monde est estomaqué par ce qui se passe d'un seul coup, que la population se révolte. Le Parti communiste, lui, est totalement pris au dépourvu. C'est pour ça que ce sont les soviétiques qui interviennent et qui envoient les chars. Parce que le Parti communiste dit, mais camarades, vous manifestez contre vous-même, puisque c'est vous qui avez le pouvoir. En d'autres termes, c'est ça, exactement. Mais ce qui explique aussi leur incompréhension. Quant à l'Ouest, ils sont assez aussi embarrassés. Quoi faire ? Alors il y a des initiatives locales, par exemple les Français vont laisser passer des manifestants qui viennent du Nord, de la RDA, et qui traversent leur secteur pour aller manifester à Berlin-Est. D'autres, la radio occidentale qui est RIAS, qui est une radio qui est financée par les Américains, va susciter la croyance à l'Est justement que les Occidentaux vont intervenir. Vous voyez, comme c'est une très grande surprise, les positions sont très différentes. Mais il était hors de question, parce que là, ça aurait dégénéré réellement. Si les Occidentaux étaient intervenus, d'abord, il faut se rendre compte que les troupes occidentales à Berlin-Ouest, c'était ridicule par rapport à ce qui se trouvait de l'autre côté. Il faut savoir, à la fin, même à la fin de la RDA, en 89, il y avait 380 000 soldats soviétiques stationnés en RDA, ce qui était avec un équipement très lourd. Donc la petite garnison occidentale à Berlin-Ouest ne pouvait pas faire le poids. À l'ombre de l'armée rouge, donc, va s'établir peu à peu une routinisation, après ces événements surprenants et sans lendemain, de 1953. C'est difficile de s'imaginer le climat à Berlin à la fin des années 1950. Par exemple, il y avait la possibilité pour les frontaliers de l'Ouest comme de l'Est, d'aller travailler dans un autre secteur que le leur. Absolument. D'aller au cinéma. Oui, on estime qu'il y avait au moins 50 000 personnes qui faisaient la navette chaque jour entre secteurs, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, hein, voire même en dehors de Berlin, puisque une grande partie du personnel qui travaillait dans les studios de Babelsberg, donc à Potsdam, habitait Berlin-Ouest. Alors, on sait que vous êtes très familier du cinéma allemand. Qu'est-ce que c'est que ces cinémas que Berlin-Ouest installe à sa frontière et que peuvent fréquenter les Berlinois de l'Est? C'est une particularité berlinoise très amusante. Le long de la ligne de démarcation entre les deux Berlins, les Occidentaux, en particulier les Américains, ont favorisé l'implantation de salles de cinéma qui était destiné au public est-allemand et notamment aux jeunes. Donc les jeunes séchaient les cours pour pouvoir aller voir des films, des westerns, des films policiers, des comédies américaines. Et cette possibilité de passage, elle est exploitée par un certain nombre d'Allemands de l'Est qui souhaitent quitter le pays et à la fin des années 50, il serait 200 000 par an. C'est un gros problème pour la RDA parce que Berlin, c'est la brèche dans leur dispositif. La frontière entre les deux États allemands, hein, c'est plus de 1300 km de long, elle est totalement hermétique depuis 1952. La seule brèche qui subsiste, c'est Berlin, Berlin-Ouest. Il suffit pour un Allemand, où qu'il se trouve en RDA, d'aller à Berlin-Est avec le train. S'il a une toute petite, un sac, il ne faut pas être trop voyant, mais si vous avez un sac ou une petite valise, et puis là, vous prenez un moyen de transport et vous allez à l'ouest, à Berlin-Ouest, où vous êtes accueilli, il y avait des centres pour les réfugiés, et à ce moment-là, vous êtes pris en charge par l'Ouest, qui vous transporte ensuite par avion en RFA. Et là, entre 1949 et 1961, c'est 2 400 000 habitants de la RDA qui s'enfuient. Sauf que, vu du côté soviétique et allemand de l'Est, maintenant, on peut dire qu'il y a une faiblesse de Berlin-Ouest. C'est un durillon sur lequel il faut appuyer, dit le leader soviétique Khrouchtchev. C'est une tumeur cancéreuse, va-t-il poursuivre un peu plus tard, en 59, donc il pose un ultimatum exigeant le retrait des troupes alliées. Et puis les soviétiques se rallient au projet de Walter Ulbricht de construire un mur. C'est chose faite en août 1961 avec les réactions que voici du côté occidental. Le président Kennedy a parlé hier soir. Sa conférence de presse a été radiodiffusée et télévisée en direct, ce qui est assez rare là-bas et ce qui témoigne d'une situation jugée sérieuse. Le président Kennedy s'est exprimé d'ailleurs sur un ton grave. Qu'a-t-il dit? Eh bien, écoutons George Wolf de New York. Le président des États-Unis a fait connaître au public américain qu'il traversait la phase la plus dangereuse de son histoire, une phase que la science moderne rendait encore plus périlleuse. Ce ne fut pas une proclamation. À aucun moment, le ton du président des États-Unis ne s'est haussé. Voici en quels termes il a décrit l'impasse Est-Ouest sur Berlin, l'échec de l'entretien qu'il a eu vendredi dernier à la Maison-Blanche avec Andrei Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères, entretien dont le président Kennedy a dû dire ensuite, non sans un certain euphémisme, qu'il n'a pas suscité d'espoir immédiat pour le règlement du problème. I would say that the We still are anxious to have a solution which will lessen the threat of war, and which we would hope could improve the security of the people of West Berlin. We have had not negotiations, but exploratory talks. Mr. Rusk with Mr. Gromyko on three occasions, and I had a talk with him, and the Prime Minister yesterday, in an attempt. Je dirais que nous restons toujours encore désireux, dit M. Kennedy, d'une solution qui atténuerait le danger de guerre et dont nous pourrions espérer qu'elle renforcerait la sécurité de la population de Berlin-Ouest. Ce qui fera dire au président Kennedy, après la construction du mur, au fond, mieux vaut un mur qu'une guerre. Je vous laisse le mot de la fin, Cyril Buffet, marqué d'un certain humour. Au fond, c'est plus logique le mur que la situation d'avant. Au moins, là, on a une coupure réelle, une cimentation de la guerre froide à Berlin, alors que dans les années 50, on a une division de la ville, mais encore avec des relations. Là, au moins, c'est clair et net. Mais c'est évidemment un système qui va se révéler très meurtrier. On voit que les Berlinois n'aiment pas le pathos. Vous êtes Berlinois, vous n'aimez pas le pathos. Un jour, un Berlinois a écrit ceci en grand caractère sur le mur. Ben, qu'est-ce que vous avez à me reluquer comme ça? Vous n'avez jamais vu un mur? Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, Elinka Negulesco, Franck Olivard, à la technique Tiffany Battistel, la réalisation Étienne Pertin.